C'était ces vieilles épîtres qu'on retrouve dans les antiques secrétaires de famille, ces épîtres qui sentent de notre siècle. La première commençait par « Ma chérie », une autre par « Ma belle petite fille », puis c'était « Ma chère petite », « Ma mignonne », « Ma fille adorée », puis « Ma chère enfant », « Ma chère Adélaïde », « Ma chère fille », selon qu'elle s'adressait à la fillette, à la jeune fille, et plus tard, à la jeune femme. Et tout cela était plein de tendresses passionnées et puériles, de mille petites choses intimes, de ces grands et simples événements du foyer, si mesquins pour les indifférents. Père a la grippe, la bonne Hortense s'est brûlée au doigt, le chat croquera est mort, on a battu le sapin à droite de la barrière. Mère a perdu son livre de messe en revenant de l'église, elle pense qu'on le lui a volé. On y parlait aussi de gens inconnus à Jeanne, mais dont elle se rappelait vaguement avoir entendu prononcer le nom autrefois dans son enfance. Elle s'attendrissait à ces détails qui lui semblaient des révélations, comme si elle fût entrée tout à coup dans toute la vie passée, secrète, la vie du cœur de petite mère. Elle regardait le corps gisant, et brusquement, elle se mit à lire tout haut, à lire pour la morte, comme pour la distraire, la consoler. Et le cadavre immobile semblait heureux. Une à une, elle rejetait les lettres sur les pieds du lit, et elle pensa qu'il faudrait les mettre dans le cercueil, comme on y dépose des fleurs.